Vous écoutez les nuits de France Culture, et si vous les écoutez depuis minuit, vous devez savoir à certains indices, vous avez pu comprendre en tout cas qu'il s'agit bien d'une nuit spéciale. François Rivière est venu nous parler de sa biographie intitulée Le divin Chesterton, Louis Seabra de son roman S, portant en exergue une phrase tirée du club des métiers bizarres de Chesterton. Vous avez écouté aussi une archive de 1966 qui nous a permis d'entendre François Billet-Doux lire Ce qui cloche dans le monde de Gilbert Kate Chesterton. Une autre archive nous a fait suivre une enquête du père Brown, Les trois instruments de la mort, puis Une vie, une œuvre de Francesca Isidori, diffusée en 2003, était consacrée à Chesterton. À l'instant, nous avons pu suivre ce saint François d'Assise, le jongleur de Dieu de Chesterton. Et puis surtout, et arrivant de temps à autre, et loin d'être terminé, c'est le feuilleton Le Nommé Jeudi, adapté pour France Culture, qui rythme cette nuit. Nuit spéciale, donc, Chesterton. La première nuit, Chesterton. Bonsoir Thierry Beauchamp. Bonsoir Philippe Garbi. Quelle nuit. Oui, quelle nuit, ce n'est que la première. Alors j'ai l'impression que tout le monde, j'entends par là les amateurs de Chesterton, que tout le monde a son Chesterton préféré. Une attirance presque exclusive pour une partie de l'œuvre ou une partie de l'époque, de la vie de Chesterton. Alors rappelons que Chesterton a écrit des dizaines et des dizaines de romans, nouvelles, essais, biographies, poèmes et une pièce. Et c'est pour ça que vous êtes là, Thierry Beauchamp, parce que, alors je vous demanderai plus tard quel est votre Chesterton préféré, mais il faut déjà que vous nous parliez, car vous êtes venu ici parce que vous êtes le traducteur de la pièce de Chesterton. Je ne me trompe pas, il en a écrit qu'une. Non, il a écrit une dizaine de pièces. Donc je me trompe. C'est la seule. Mais je ne me trompe pas complètement. Mais non. Voilà. Il trouverait certainement une explication très, très chestertonienne à l'excellence de votre réponse. Mm-hmm. Et donc, il a écrit une dizaine de pièces, mais seule Magie a été montée de manière, on va dire, professionnelle. Mais il en écrit vraiment depuis sa jeunesse jusqu'à pratiquement à la fin de sa vie. Je crois que The Surprise est écrite en 32. Et d'ailleurs, elle a été adaptée, je crois, à la télévision américaine, cette dernière pièce. Mais Magie, il se trouve que, moi, je pensais, quand je l'ai traduite, je pensais être le premier à la traduire. Je pensais que c'était inédit en français. Et apparemment, les amis de Chesterton ont découvert qu'elle avait été adaptée par Georges Pitohef à Genève, en 1922. Et alors là, je pense qu'il y a une histoire à creuser, parce que ça correspond, je pense, à la période durant laquelle Yeats se trouvait à Genève. Or, notre poète et dramaturge irlandais a adapté des Chesterton au théâtre, et je me demande s'il n'y a pas eu un lien entre Pitohef et Yeats dans cette histoire. En tout cas, l'adaptation de Pitohef a disparu, et ça serait formidable qu'un jour elle ressorte de quelque archive. Pourquoi faire une adaptation en somme? Parce que moi, donc quand on lit Magie de Chesterton que vous avez traduit et qui est publié chez Rivage Poche, Thierry Beauchamp, on se dit mais comment se fait-il que cette pièce ne soit pas au théâtre sur une scène parisienne ou ailleurs, qu'elle ne soit pas diffusée à France Culture? Ça pourrait arriver, mais je me demande si c'est pas lié à ses thèmes, en fait. Parce qu'il est question beaucoup de foi, hein, de ce qu'est la vraie magie. Il est question du diable dans cette histoire. Donc, est-ce que ce sont des thèmes très porteurs? Bah, c'est très dramaturgique. Pour ceux qui financent le théâtre public, par exemple, je ne suis pas sûr. Ça dépend des comédiens qui seraient sur scène. Mais la pièce parle de bien d'autres choses que ça, il faut bien le dire. Moi, j'y vois surtout une projection des différents débats intérieurs de Chesterton. La plupart de ces personnages ressemblent à des personnages de carton. Ce sont des principes, que ce soit le vieil aristocrate qui finance tout et son contraire. L'américain. On a un docteur qui a connu Huxley, l'avocat de Darwin. On a le pasteur ouvert. Le jeune américain hyper rationaliste. La jeune fille, elle est typique de l'œuvre de Chesterton, parce que finalement, il n'y a pas énormément de personnages féminins dans l'œuvre de Chesterton, et elles incarnent toujours une forme d'innocence primordiale et de justesse du cœur et de la pensée, d'une certaine manière. Mais le magicien est le vrai personnage complexe de la pièce. Et évidemment, c'est une projection de Chesterton lui-même. D'ailleurs, il raconte qu'avant d'être magicien, il était journaliste. Il dit quelque chose d'assez très joli, une comparaison entre les deux métiers, expliquant que le travail du magicien consiste à ne rien révéler de ce qui s'est passé, alors que le journaliste, évidemment, cherche à révéler ce qui ne s'est pas passé. Alors, comment est née cette pièce, Thierry Beauchamp? Donc, elle a été écrite en quelle année? Et puis, finalement, Chesterton ne l'aurait peut-être pas écrite s'il n'avait pas été en amitié, en conflit, en rivalité, en irritation, en agacement, comme ça, avec un autre écrivain, non pas anglais, mais irlandais. George Bernard Shaw. Et Shaw et Chesterton étaient comme deux frères ennemis. Ils mettaient en scène d'ailleurs leurs disputes, parce qu'ils ne pouvaient pas, sur le plan intellectuel, être plus loin l'un de l'autre. Ils ont fait d'ailleurs un débat entièrement consacré à leurs désaccords. C'est-à-dire, pouvons-nous être d'accord? Je ne sais plus quel était le titre exact. Sur quoi pouvons-nous être d'accord? Évidemment, sur rien, à peu près. Et Chesterton a consacré d'ailleurs un livre à son ami Shaw, où il le démonte en règle, mais avec beaucoup de talent. Et Shaw fait la critique du livre en disant du bien. Disant, on n'a jamais rien. Il n'y a aucune œuvre littéraire qui me soit consacrée qui a cette qualité. Et Shaw était persuadé que Chesterton était fait pour le théâtre. D'abord, lui-même avait fait fortune grâce au théâtre et pensait que ça pourrait arranger les affaires financières de Chesterton que d'écrire donc pour la scène. Et il l'a poussé pendant des années. À partir de 1908, il le persécute. Il est même arrivé une année où il est arrivé chez Chesterton avec un canevas de pièces. Il dit, voilà, il ne reste plus qu'à remplir les cases, en quelque sorte. Avec aussi la complicité de Madame Chesterton. Oui, oui. Ah ben, Madame, je pense qu'elle voyait les choses d'un point de vue plus pratique. Peut-être qu'elle voulait une maison plus grande, je ne sais pas, mais... évidemment, Shaw, qui s'entendait très bien avec Madame Chesterton, essayait de l'utiliser à ses fins. D'ailleurs, il écrit une lettre terrible en mars 1908 à Chesterton. Je vais vous en lire un extrait pour montrer à quel point il va pour convaincre son ami d'écrire une pièce de théâtre. « Je recommencerai à vous défier en public. Je me vanterai de ma supériorité. J'insulterai votre corpulence. » Ce qu'il a souvent fait. Je torturerais Belloc. Belloc, Hilaire Belloc, était le grand ami de Chesterton. Et il partageait les mêmes convictions religieuses. Si nécessaire, je me rendrais chez vous et volerais l'affection de votre épouse par mes prouesses athlétiques et intellectuelles. Athlétique, George Bernard Shaw était gros comme un fil de fer. Jusqu'à ce que vous apportiez votre contribution au théâtre britannique. Voilà le genre de lettre. Et finalement, il est arrivé à ses fins, mais 5 ans plus tard, en 1913, brusquement, Chesterton a l'idée d'adapter une nouvelle qui a disparu. Donc, il s'appelait Magic, qu'on a traduit par magie. Il l'avait écrite très jeune. Oui, c'est ça. Il prétend avoir écrit. Oui. Après, avec lui, on ne sait jamais. Et il écrit cette pièce très très rapidement, quelques semaines, et elle est montée la même année, le 7 novembre 1913, au Little Theatre de Londres. Et cette pièce connaît un prodigieux succès, puisqu'elle est quand même, enfin prodigieux, un grand succès, puisqu'elle est représentée, je ne sais plus, 165 fois à Londres, mais ensuite elle sera montée, si ma mémoire est bonne, à New York, et je me demande en Irlande aussi, il me semble. Alors, Magie, une comédie fantastique signée Chesterton, cette pièce donc écrite rapidement, vous nous dites, Thierry Beauchamp, 1913, reprenant une nouvelle... Il ne pouvait pas écrire autre chose, finalement. On a l'impression que c'était la pièce qu'il devait écrire. Enfin, quand on a lu alors les essais, quand on a feuilleté les biographies, quand on a lu et apprécié Le Nommé Jeudi, et puis La Sphère, La Croix, qu'on aime le poète et les fous. Enfin, il n'y a pas de fou dans Magie. Mais il y a une crise de folie, et la folie est un thème. Puisqu'on a un personnage qui est celui du jeune Maurice, le neveu et filleul du vieil aristocrate qui accueille donc le magicien dans sa propriété pour qu'il leur fasse un petit spectacle de fin de soirée. Et ce jeune Maurice qui est de retour des États-Unis est un rationaliste terrible. Et face à un tour inexplicable, puisqu'il s'amuse à expliquer toutes les ficelles des tours du magicien, le magicien accomplit un tour qui n'a pas d'explication et ça le rend fou. Et il perd la raison, et c'est pourquoi après tous les autres demandent au magicien d'intervenir, de trouver une explication, alors qu'il leur explique. D'inventer. Et là, on est en plein chez Chesterton. Inventer une explication à l'inexplicable par charité chrétienne. Mais on est aussi en plein théâtre de boulevard. On pourrait, même si c'est un théâtre de boulevard d'une grande intelligence, mais finalement il y a quand même une histoire. Il y a une histoire d'amour. Il y a des personnages ridicules. Des échanges de comédie. Voilà, les portes peuvent claquer. En effet, il y a des quiproquo. Enfin, il y a le premier quiproquo étant est-ce que le magicien est un magicien? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il, quand il se promène avec la jeune fille au début de la pièce, est-ce qu'il flirte avec elle ou elle, est-ce qu'il croit qu'elle... Je trouve que ces éléments-là sont plutôt du côté de la profondeur et de... Bien entendu. C'est le poète et son double. Oui. C'est la projection de Chesterton et le rapport au merveilleux. Il est un... Parce que la question de la folie et du merveilleux, on les retrouve dans pratiquement toutes ses œuvres. Et il explique bien que tout ça est très dangereux. C'est-à-dire, il y a un bon et un mauvais côté du merveilleux, de la quête de merveilleux. Et le magicien l'incarne. Il explique qu'il a passé un pacte avec le démon, d'une certaine manière, pour être capable d'accomplir son fameux tour de magie inexplicable. Mais que la vraie merveille, c'est celui de la vérité révélée. Incarné par la jeune fille qui, avec sa croyance toute innocente dans les contes de fées, est elle du côté du bon merveilleux. Mmh. Et puis bon, je crois qu'en fait il y a des éléments de drame mélangés à des éléments de franche comédie. C'est-à-dire que la plupart des personnages sont des personnages de comédie, ils sont des chartes. Oui. Tous les personnages masculins, à l'exception du magicien, pourraient figurer dans une pièce de boulevard, voilà, d'une certaine manière. C'est des caricatures. Et vous n'avez que deux personnages qui sont émouvants, c'est la jeune fille et le magicien. Donc... Et il joue très bien avec les paradoxes, hein. C'est l'histoire de son œuvre, Chesterton, donc il retourne très bien les situations, et son habileté verbale, parce qu'en plus la pièce va très vite, elle est courte mais elle va très vite, parce que les dialogues se répondent, il y a beaucoup de mots d'esprit, donc il s'y retrouve très bien. Oui, mais il a une grande habileté, alors c'est sa première pièce, semble-t-il, de magie, mais en même temps on a l'impression qu'il en a écrit des tas d'autres, parce qu'enfin qu'il a bon, c'est un dialoguiste, c'est un romancier. Oui. Et en tant que romancier, c'est d'abord et surtout un dialoguiste, parce que sa logique, si j'ose dire tordue, il peut se la permettre parce qu'il utilise les raisonnements de ses personnages, et ça lui permet d'arriver toujours là où on ne s'y attend pas, mais là où lui veut arriver. C'est exactement un magicien, un prestidigitateur littéraire. Toutes ces histoires policières ou ces mystères, ces énigmes fonctionnent sur ce principe d'attirer votre attention sur le comportement étrange d'un personnage, et vous dites mais où est-ce qu'il veut nous emmener, et à la fin vous avez, toujours en conservant sa ligne sur ce personnage étrange, une explication tout à fait inattendue et d'une haute portée spirituelle en général, là où vous attendiez à une explication beaucoup, pour tout ce qui concerne les énigmes policières, beaucoup plus traditionnelles, basées sur les faits, sur les éléments matériels, lui, jamais. Mmh. En fait, il se base uniquement sur la manière de verser dans la folie, sur la psychologie de la folie de ces personnages et leur appétit pour l'absolu. Alors la semaine prochaine, en début de nuit, avec Jean-François Merle, qui est l'éditeur chez Omnibus des Aventures du Père Brown, nous parlerons de ce personnage qui ressemble à qui, le Père Brown, quand même. Dites-nous un petit peu ce gros... Il ressemble un petit peu à lui. À Chesterton, Chesterton était un type monumental, on peut dire. Hein. Il était plus d'un mètre 90, beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilos. Et en plus, un costume de scène, si j'ose dire, avec sa cape, son chapeau et sa canne. On le voyait passer, voilà. Magie chez Rivage Poche, que vous avez traduit, Thierry Beauchamp. Donc, j'ai parlé des romans, des nouvelles. Aussi, il faut citer les articles, les textes apologétiques, etc. Et votre Chesterton préféré, alors, bon, à part Magie, parce que vous l'avez traduite, cette pièce, donc on n'en parle plus, même s'il faut vraiment qu'on la lire, parce que c'est aussi une introduction à l'œuvre de Chesterton. Vous iriez vers quelles autres œuvres? Vous iriez vers Le Poète et les Fous, par exemple, qui sont aussi des aventures policières, mais des aventures surtout de folie, semble-t-il. Ouais, on est exactement dans ce dont je viens de parler. C'est-à-dire que son détective, entre guillemets, qui est... Gabriel. Est un peintre et un poète. Et que... Un mauvais peintre ou un mauvais poète, l'un des deux, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un contemplatif et quelqu'un qui passe plus de temps à regarder les nuages qu'à s'intéresser aux menus faits du quotidien. Par contre, il a cette capacité à se mettre dans les bottes des fous. Et c'est comme ça qu'il résout toutes ces énigmes, qui sont d'ailleurs d'une grande poésie, en fait. Parfois même des énigmes qui le concernent lui-même. C'est là aussi, c'est une... C'est, Le poète et les fous, il rejoint ces deux autres livres que j'aime beaucoup, qui sont le Club des métiers bizarres et le Club des fous, qui ont été écrits d'ailleurs à de longues distances les uns des autres. Je crois que le Club des métiers bizarres, c'est plutôt vers 1904, par là, ou 1905. Et alors que le poète et les fous, ça doit être 1929, il me semble. Voilà, qu'on peut trouver et le Club des fous, c'est pareil, c'est dans les années 20. Mm-hmm. Mais on retrouve toujours le même principe, qui est en fait, c'est une défense du regard virginal, d'un merveilleux enfantin. Je pense que si on passe au-delà de questions théologiques ou philosophiques avec Chesterton, on voit quelqu'un qui a défendu Mordicus avec tous les moyens intellectuels et artistiques qu'il avait à sa disposition, son merveilleux enfantin. Et pourquoi avait-il écrit un tas de pièces de théâtre avant d'en écrire? Vous savez qu'il avait un théâtre miniature, vous savez, c'est théâtre en carton, et que c'est un de ses plus beaux jouets d'enfance, et qu'il a beaucoup pratiqué. Ah, et il en a quelque aussi, chose, il en a gardé quelque chose dans toute son œuvre. Et Bergman en a gardé quelque chose. Ouais, enfin, ouais. Voilà, ils se sont retrouvés sur ces objets-là de miniaturisation aussi des personnages. Ouais. L'idée de toujours confronter l'aspect minuscule de l'être humain dans l'absolu des choses, il le garde toujours à l'esprit. Et puis ça reste à la fois un magicien, un enfant qui joue avec ses jouets et un magicien qui joue avec ses accessoires. Alors, vous avez dit que finalement, on peut, au-delà du côté théologique, enfin voilà, l'essayiste ex-anglican devenu catholique, finalement assez tardivement, hein, c'est pas les années 20 là aussi. Voilà, il n'est catholique officiellement que 7-8 ans, et puis ensuite il meurt. Finalement, on peut. Ne pas s'intéresser à ces problèmes-là et lire avec plaisir Orthodoxie hérétique, La chose pourquoi je suis catholique, 3 textes publiés chez Climat Flammarion, avec grand intérêt parce que soit habileté de l'écrivain, soit détachement du lecteur, je ne sais pas, on sourit tout le temps quand même malgré tout. Oui, et puis est-ce qu'il est un si bon catholique que ça? Il faudrait le demander aux autorités compétentes. Moi, j'ai fait mes humanités dans le surréalisme, donc vous imaginez bien que je me suis assez peu sensible à tout cet aspect-là de son œuvre. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est fascinant chez lui, c'est d'abord l'esprit poétique. Et je pense qu'il fait du catholicisme le merveilleux suprême. D'ailleurs, on voit bien que son catholicisme, c'est le catholicisme de l'avant-réforme en Angleterre. C'est les images, les vitraux dans les églises qui ont été détruits par les anglicans. Toutes ces histoires qu'on avait le droit de se raconter, puis tout à coup ça devenait un peu satanique que de remettre au goût du jour tous ces vieux contes de fées. C'est un anti-puritain farouche. Son catholicisme, c'est celui des gens qui boivent lors des baptêmes, etc., etc. Il y a un côté médiéval chez lui, quoi, voilà. Oui, ben son intérêt pour le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge n'est pas triste, contrairement à une idée répandue. Oui. Et le Moyen-Âge anglais, le Moyen-Âge français, le Moyen-Âge italien, on sait quand même que c'est... Et en effet, c'est aussi un historien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce catholicisme, il n'est pas du début du XXe siècle. Ce n'est pas tellement ce catholicisme-là qui l'intéresse. Et notez que s'il a un attachement profond à sa terre anglaise, il a aussi une certaine attirance pour la terre française. Et pour cause, puisque je crois que c'est sa maman qui était française. Alors c'est un homme bilingue. Je crois qu'il parlait assez bien le français, en tout cas. Mais je pense qu'il parlait assez bien d'autres langues. Alors c'est un homme de... L'allemand, je pense. De radio aussi, Thierry Beauchamp. Pendant les 10 dernières années de sa vie, pas tout à fait 10 dernières, à partir des années 30, donc voilà, dans les dernières années de sa vie, la BBC lui a proposé de venir parler de livres. Et en fait, ça s'est transformé en causerie, en one-man show. En causerie. Il avait libre antenne. On l'encourageait, ce qui est assez extraordinaire pour la radio de l'époque. On l'encourageait à improviser. Et alors, il n'avait qu'une exigence, c'est d'avoir dans le studio ou sa femme ou sa secrétaire pour avoir quelqu'un à qui causer. C'était une stratégie. On pourrait peut-être proposer ça à notre direction pour permettre à nos animateurs de se décontracter parfois à l'antenne. C'est une idée. En tout cas, il nous reste quelques minutes d'enregistrement à ses propos sur l'architecture. Et il doit y avoir un texte qu'on recueillit dans le Spice of Life. Parce que la BBC ne conservait pas... Si, il y a un certain nombre d'archives, mais après, je pense que certaines ont été détruites peut-être par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, s'ils faisaient comme nous, c'est enregistré, gravé sur ces disques de verre ou de cire, certains se décomposent. Il y a eu des disparitions, il n'était pas à l'époque du numérique. Mais qui sait, on retrouvera peut-être un jour des enregistrements de Chesterton. En tout cas, on a sa voix. Alors, il y a sa voix que nous, hélas, nous n'avons pas. Mais après tout, je pense que ça doit se trouver. On peut s'arranger. On trouvera. Thierry Beauchamp, donc, alors, il y a les textes. Le Chesterton, donc, vous préférez... Alors donc, je dis, j'aime beaucoup ce Chesterton conteur et qu'on retrouve à son sommet dans le club des métiers bizarres, le club des fous, etc. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour celui qu'on pourrait appeler l'essayiste. C'est pas le mot qui convient, ça fait un peu anglicisme. C'est l'auteur de ces articles sur tout et n'importe quoi et où tout son génie s'exprime. Alors, un certain nombre de ses textes ont été recueillis dans le volume intitulé « Le paradoxe ambulant » chez Actes Sud, présenté par Alberto Manguel. Voilà, chez Actes Sud. Et alors là, vous avez de purs chefs-d'œuvre en quelques pages. Il vous explique de l'intérêt de courir après son chapeau, pourquoi rester au lit, pourquoi l'Angleterre est comme un bâton de craie. C'est une merveille permanente. Et vous avez des textes qui ont presque valeur de manifeste quand on les lit avec une certaine distance. Il écrit sur les contes de fées, mais les contes de fées, ça nous parle par exemple de la pièce de théâtre Magie. Ah oui, il fait sa propre critique. Critique de sa pièce aussi. Mais c'est vrai. Les gens peuvent pas voir, mais on a une table qui est couverte tout ce qu'on dit est vrai. Et c'est vrai qu'il a fait la critique de sa propre pièce de théâtre. J'aimerais savoir si c'est une pratique courante chez les auteurs. Sous son propre nom. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et donc, elle fut publiée dans la Dublin Review. Et voilà ce qu'il dit. Il est sévère avec lui-même. Par l'exercice de cette connaissance des cœurs humains qui vient à tout homme, quel qu'il soit, aussitôt qu'il se fait critique dramatique, je perçois que l'auteur de Magie l'écrivit d'abord sous forme de nouvelle. C'est une mauvaise pièce parce que c'était une bonne nouvelle. Dans une nouvelle policière comme celle de Sherlock Holmes, l'auteur et le héros ou le méchant cachent leur secret au lecteur. Mais la pièce de théâtre repose sur un plus grand secret que l'on appelait jadis l'ironie grecque. Au théâtre, le public doit connaître la vérité quand les acteurs l'ignorent. C'est là où le théâtre est véritablement démocratique. Non parce que le public crie, mais parce qu'il sait et garde le silence. À présent, je pense sérieusement qu'une pièce comme Magie aurait gagné à révéler son secret aux spectateurs dès le départ. Mais il l'écrit combien de temps après ça? Enfin, c'est au moment de la pièce? Peu de temps, oui, je pense que c'est au moment où elle était représentée à Londres. Et en fait, comment le spectateur de l'époque, pour revenir à Magie, pourrait-il en savoir plus que l'auteur? Il faudrait vraiment entrer dans la foi, dans sa croyance. Il aurait fallu retourner la pièce. Mais il a déjà théorisé ça, il a pas mal écrit sur les histoires policières. Et comment écrire une bonne histoire policière, etc. Oui, on lit ça. Les erreurs des romans policiers. Il a écrit beaucoup d'articles là-dessus. Oui, oui. Ils sont à la fin du volume. Et dans un de ses articles, il fait une démonstration étonnante montrant comment on aurait pu rédiger Othello comme une histoire policière. Il suffit d'inverser le système. Alors, comment on peut... Donc, j'ai bien compris, Thierry Beauchamp, que vos préférences vont le paradoxe ambulant, mettons. Enfin, tous ces articles-là... Mais est-ce qu'on peut les lire d'affilée, finalement, avec le même plaisir? Parce que on les lit comme des gourmandises. Donc, ceux qui ont l'habitude de finir le paquet de bonbons ou la plaquette de chocolat n'auront aucune peine à en lire 25 à la suite. Oui, parce que l'idée même du paradoxe pourrait être irritante. Enfin, un petit peu, voilà, comme... Parce que là, il y a une telle variété. On repérerait ça comme un truc, mais ce n'est pas le cas. Non, là, vous avez une telle variété dans les sujets. C'est-à-dire que, l'approche, on finit par comprendre sa manière de penser. Mais c'est une pensée d'abord très drôle et séduisante. Mais là, vous avez... Défense des raseurs, des couleurs dans une boîte de couleurs, défense des romans de 4 sous, les petits oiseaux qui refusent de chanter, le tas de marionnettes. Donc, sujet important si on veut comprendre son approche du théâtre. De la mauvaise poésie, défendant la mauvaise poésie comme une bonne poésie, évidemment. Et c'est défense du nonsense, comme George Orwell, qui a aussi. Et tous les deux avaient la même passion pour les poèmes d'Edward Lear, qui. pour les deux, ça symbolisait l'essence même du génie anglais au 19e siècle, c'est Edward Lear et ses limericks absurdes, plus que Lewis Carroll, qui est déjà bien complexe, qui est dans le deuxième degré ou second degré. Parce que lui, c'était quoi ses lectures anglaises? 18e, 19e Oui, mais je pense que c'était quand même un boulimique de livres. Mais c'est vrai qu'il avait il a écrit par exemple sur... Dickens. Dickens, il adorait. Mais Dickens, il le considérait comme un auteur du Moyen-Âge. Il a fait une biographie aussi, un texte biographique sur Stevenson. Intéressant. Grand conteur, Stevenson. Lui aussi, un magicien de la narration. Sur Laurence Sterne, peut-être? Laurence Sterne, il aurait pu évidemment se trouver quelques points en commun. Là aussi, c'est dans la prestidigitation verbale. Mais je pense que ses horizons étaient vraiment très, très lointains. Ça englobe beaucoup de choses. Il adorait la Bible. La Bible, il aurait pu retourner tous les textes de la Bible dans tous les sens, sans aucun problème et avec le même bonheur. Est-ce qu'il y a des auteurs français qui... aussi prolifique comme ça, qui vous font penser Thierry Beauchamp à Chesterton? Je crois qu'il faudrait faire un grand mélange. Il faudrait prendre une pincée de Marcel Aimé. Un petit peu de Vialatte. Sûrement, un peu plus, même deux pincées de Vialatte. Il y a quelque chose du Jean Giono de la période gioniste, que ma joie demeure, avec son personnage de Bobby qui cherche à enchanter le quotidien triste de ses paysans de la Haute-Provence. Il y a un aspect comme ça, indiscutable, chez Chesterton. Il y a un peu d'André Breton par moment, qui est beaucoup fréquenté. André Breton, je le retrouve dans cette capacité à voir le merveilleux là où personne ne le voit, dans le quotidien, dans les petites choses. Il y a un peu de Victor Hugo dans l'écriture. C'est-à-dire dans cette capacité à écrire comme ça, on sent une grande facilité. Il écrit comme il respire. C'est vrai que quand on lit la prose de Victor Hugo, on l'entend faire des alexandrins. Et bien, il y a quelque chose comme ça aussi chez Chesterton quand on lit en anglais. C'est difficile de restituer ça bien dans la traduction française. Mais il écrit sur la société, sur les petits riens, voilà. Finalement, il s'intéresse pas tellement à la politique. Il s'y intéressait, puisque il était très proche de la... bien après, il était très proche de la doctrine sociale de l'Église, de ce qu'on appelle le distributisme. Donc c'était, en fait, c'est des alternatives à la fois à un capitalisme sauvage et au socialisme qu'il dénonçait corps et à cri. Peut-être moins le socialisme, finalement, que le capitalisme. On a l'impression qu'il a... Il était très dur aussi, parce qu'il voyait très bien le danger qui menaçait avec le collectivisme. Et pour cause, il était très proche de Shaw, qui était un marxiste convaincu. Mais il a très, très bien senti ce qui pouvait se passer avec un système socialiste, avec la centralisation des pouvoirs, l'écrasement de la liberté individuelle, etc. Il n'est pas plus tendre, en effet, avec le capitalisme. Extrêmement dur, parce que là, il l'a sous les yeux, et il le connaît bien, il fréquente des gens qui en sont les acteurs. Donc il voit bien tout ce que ce système a d'inhumain, de cruel, est très dur, par exemple, contre un des moyens du capitalisme, qui est la publicité. Il écrit souvent contre la vulgarité de la publicité, la manière dont elle lamine les esprits. Mais ça, c'est l'anti-moderniste, de certaines manières, mais il est aussi quand même... Il est contre les conservateurs. Il est contre les progressistes, il est contre les conservateurs. Je crois qu'il est du côté de la créativité, du bon sens. Et pour lui, la créativité et le bon sens sont jamais très éloignés d'une tradition mythique. En fait, il est contre les traditionnalistes bêtes d'une certaine manière, mais il est persuadé qu'il existe un fil d'Ariane entre les temps anciens et glorieux et la modernité. C'est un romantique, avec doué du sens de l'humour. Bien. Alors vous avez parlé de la difficulté à traduire Chesterton, à rendre, mais en tout cas vous, ce que je peux en lire et en comprendre et en apprécier, en tout cas la traduction de la pièce de Chesterton, Magie donc, me paraît parfaite. Et en tout cas on a envie, ayant lu donc ce Magie Théâtre chez Rivage Poche, traduit par vous Thierry Beauchamp, si l'on commence par cette pièce, de lire toute l'œuvre. En tout cas, une grande partie de l'œuvre de Chesterton. Donc voilà, c'est un peu le principe des nuits spéciales. Il y a plusieurs entrées. En tout cas, il y a une entrée, c'est l'écoute du feuilleton, le nommé jeudi. Et donc, il va se terminer cette nuit enfin en tout cas cette nuit, on va entendre le cinquième épisode tout de suite même, mais ça sera la semaine prochaine, la suite. Enfin, vous vous souvenez bien sûr de Nommé Jeudi. Ah oui, mais je crois que maintenant je vais me coucher et je vais écouter tranquillement ma radio parce que voilà, ça lui promet d'être enrichissante. Et vous écouterez, vous relirez le Nommé Jeudi et vous écouterez tout le feuilleton et qui se terminera donc la semaine prochaine. En tout cas, là, c'est le cinquième épisode. Merci Thierry Beauchamp. Merci.